des chercheurs dans de nombreux domaines pour arriver à un niveau de compréhension, de lecture, non pas d'apporter la vérité, mais de l'éclairer sur la profondeur de l'histoire de l'humanité. On découvre dans ces quelques pages, effectivement, le très très haut niveau de la recherche archéologique en France et dans le monde en général. J'ai autant de respect pour les archéologues des autres pays. Je pense que c'est la même communauté. Donc, respect parce que l'archéologie, justement, elle a aujourd'hui, effectivement, elle continuera à évoluer, mais elle a aujourd'hui atteint un niveau qui est très loin de ce qu'on a connu d'une archéologie au 19e siècle naissante, une archéologie scientifique, ou encore la notion de démocratisation des connaissances, de la pratique, restée réservée, mais comme dans beaucoup d'autres domaines, à une élite, à une aristocratie, je dirais, des curiosités. On est aujourd'hui, vraiment, depuis les années 60, on est engagé dans quelque chose qui fait qu'on ne reviendra pas en arrière. Donc effectivement, la recherche archéologique, ça demande d'énormes moyens si on veut continuer à apporter la connaissance sur l'humanité avec une telle précision. C'est important parce que l'archéologie, c'est l'une des rares disciplines aujourd'hui, mais il y en a quand même d'autres, l'une des rares disciplines qui effectivement est totalement détachée de certains enjeux. Elle est en capacité de ramener le dialogue de façon apaisée à une approche, je dirais, particulièrement neutre, objective de la situation, de l'histoire. Elle n'est pas là pour corriger l'histoire, puisque elle est là pour accompagner les historiens, notamment lorsqu'il s'agit d'une archéologie qui concerne des périodes dans lesquelles il y a des traces. Mais elle est là. Évidemment pour donner une idée de ce qu'est peut-être la vérité, et dans ce cas-là, ça ramène à la notion d'humilité. Donc moi j'aime beaucoup cette discipline qui est vraiment à travers, je le dis, les articles et les communications d'un très haut niveau avec des gens qui sont très très humbles et qui sont généralement très objectifs. Donc respect pour les archéologues, respect effectivement quand on les accueille comme aujourd'hui pour des communications dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de raison que les conditions soient toujours soient en deçà. Donc c'est pour moi très important lorsque j'ouvre une séance comme celle-ci, de sentir que les conditions sont réunies. Au-delà du respect que je porte à cette discipline et à la passion à la lecture des livres, justement, je voudrais dire que, et là je m'adresse au conservateur régional, au chef du service, je voudrais dire que il serait bien l'année prochaine que l'on puisse disposer, et je vais voir comment on peut faire, que l'on puisse disposer d'une petite, non pas une plaquette, mais un 4000 signes par communication avec juste une iconographie qui nous permette, en faisant éditer et brocher ça très rapidement, qui nous permette d'avoir une petite trace après ces journées pour laquelle des gens se sont déplacés et des chercheurs ont accepté de communiquer. Donc on pourra voir ça au niveau de la DAC et du service, de façon à éditer un petit document qui n'existait pas, je ne me trompe pas, hein, c'est ça. C'est donc ça serait bien qu'on réussisse à faire cette petite opération très simple. Alors je sais que les chercheurs n'aiment pas, lorsqu'on est dans des recherches en cours, divulguer quelques idées, des plans généraux ou autre chose, mais on peut toujours trouver des solutions pour qu'il y ait un texte d'une page, une page et demie, qui donne l'essentiel de la recherche et des découvertes. Donc dans le programme que je vois ce matin, effectivement là aussi je dis c'est un programme, certes c'est que pour la matinée, mais c'est un programme dense qui couvre énormément de sujets, qui fait appel à de nombreuses disciplines qui accompagnent les archéologues sur le terrain et dans les laboratoires. Donc je trouve que cette responsable régional de l'Institut national de la recherche archéologique progressive, qui nous fait l'honneur d'être présent, et dire que l'archéologie française, effectivement, a su mettre en place à la fois une archéologie d'État, une archéologie de collectivité territoriale, une archéologie évidemment d'université. La place à des organismes privés, généralement sous des statuts d'association, qui sont des opérateurs archéologiques accompagnant cette recherche nationale. Donc je voudrais aussi saluer les représentants de ces organismes de recherche. Le collègue du DRASM qui est ici, donc quand je parle d'archéologie, évidemment je pense aux établissements publics comme INRAP et puis au département. Le département de recherche archéologique subaquatique et sous-marine de l'État, c'est évidemment c'est le ministère de la Culture et d'autres agences ou départements comme, ou centres comme le CNP. Donc voilà, simplement je voudrais conclure cette actualisation sur ce mot respect. Respect pour l'archéologie, c'est sincère de ma part, parce que effectivement, c'est, je crois que l'archéologie est vraiment un exemple en France. Que c'est aussi un domaine des sciences humaines, c'est l'un des exemples qu'il faut suivre pour parler de l'humanité et parler des problèmes en général, des problèmes parfois très graves. Donc, on le voit dans les thèmes, hein, migration, enfin, il y a tout ça. C'est à ne pas oublier et il faut effectivement combattre l'idée que l'idée, la recherche, la culture, a déjà beaucoup de moyens. Évidemment, elle a énormément de moyens en France, mais ça ne sera jamais suffisant sans être dans l'excès. Il faut évidemment réussir à monter en puissance. C'est pas toujours en mutualisant que l'on réussit à trouver des ressources nouvelles. Mais enfin, ça c'est un autre sujet que celui de votre matinée. Donc je vous remercie pour cette présence nombreuse. Voilà, je pense qu'avec la ventilation, tout devrait bien se passer. Moi, je resterai au premier plan parce que j'ai des implants dans les yeux, donc je ne peux pas m'exposer au soleil. Donc, je resterai.